The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Mobile phone. Le portable. Power off. Éteint. Battery. La batterie. Charger. Le chargeur. Type. Le modèle. Now, a bit faster. Charger. Le chargeur. Type. Le modèle. Mobile phone. Le portable. Battery. La batterie. Power off. Éteint. Now, use the words in context. Whose mobile phone is this? À qui est-ce portable? Call me on my mobile tomorrow. Appelle-moi sur mon portable demain. Here you are. Here is my mobile phone number and my home number. Tiens, voilà mon numéro de portable et de fixe. My battery is very low. Je n'ai presque plus de batterie. My battery is completely charged. Ma batterie est complètement chargée. My battery never lasts long. Ma batterie ne dure pas longtemps. He never switches off his computer. He is a real geek. Il n'éteint jamais son ordinateur. C'est un vrai geek. Is your mobile phone power off? Est-ce que ton téléphone est éteint? Can you switch off the light, please? Tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît? Fortunately, I brought my charger. Heureusement, j'ai emporté mon chargeur. This USB charger is very practical. Ce chargeur USB est très pratique. I forgot to take my camera's charger. J'ai oublié de prendre mon chargeur d'appareil photo. Do you have the next size up? Vous avez le même modèle, une taille au-dessus? Do you have the same model in blue? Vous avez le même modèle en bleu? This model has been very successful. Ce modèle a beaucoup de succès.